sa recherche tous les jours. Je serai ce fou qui habite seul, qui hante les pièces d'un château sur la colline. Mes larmes tisseront un linceul comme quand surviennent la disette puis la famine. Je ne chanterai plus que des airs qui font frémir. Ce sera mon seul, mon unique plaisir. Je ne laisserai pas ta lumière pâlir. Elle brillera pour mieux me faire souffrir. Des gens viendront me visiter, me proposeront de leur parler, de me pencher. J'écouterai leurs beaux discours qui prétendent que le temps qui passe est un recours. Je ne voudrais pas de soins palliatifs, pas de magie ni catharsis pour espérer que ton absence desserre ses griffes pour que j'oublie que rien ne peut te remplacer. Je ne chanterai plus que des airs qui font frémir. Ce sera mon seul, mon unique plaisir. Je ne laisserai pas ta lumière pâlir. Elle brillera pour mieux me faire souffrir. Je ne chanterai